Un mal, chapitre 21. Du temps se passa. Un peu de lassitude s'était mis dans l'amour de Germaine. Ses éternels rendez-vous avec leur monotonie de passion la fatiguaient. Puis, elle en avait vaguement assez de la contrainte à laquelle elle était tenue pour ne pas rendre publique leur relation. C'était comme un écœurement de toujours mentir, qui par moments lui donnait des envies de rompre. Elle rêvait alors de redevenir la fille d'autrefois, insouciante et tranquille. Sa vie n'était pas troublée en ce temps. Chaque heure avait son travail, et la journée s'achevait d'un cours régulier. Des paresses à présent coupaient ses après-midi. Le fond de son existence était une flânerie veule, avec des mollesses de personnes grasses, qui lui faisaient trouver rebutantes les besognes accoutumées. Cette satiété, confuse dans les commencements, finit par s'accentuer au point de glisser une pointe d'ennui dans ses entrevues. Elle demeurait les yeux perdus à regarder par-dessus la tête de son amant. Le silence de la petite maison, qui était un secret de plus sur leur tendresse, l'importunait, lui semblait horriblement pesant et vide. Il lui parlait toujours des bois, des bêtes, du petit jour qui, en montant, fait trembler la cime des arbres. Elle l'écoutait à peine, avec un sourire machinal, ou bien fronçait les sourcils impatientée de l'entendre. Des bâillements lui venaient aux lèvres. Un jour, il lui fit une scène. « Ce serait-il que t'en aurais assez, dit ?» La voix lui sortait de la gorge, éraillée et dure. Il tenait ses poings fermés. Elle eut peur de sa colère et répondit par un mot vague. « À quoi que tu vois ça ?» Il eut un mouvement, comme pour tout briser autour de lui, et brusquement se planta les bras croisés. « Faut me dire d'abord, j'ai corps assez de plomb pour nous deux. » Elle leva les yeux frémissante. Une résolution froide assombrissait son visage. « Grande bête, va » dit-elle. « Est-ce que je ne suis pas toujours la même ?» Il secoua la tête. « Non, non, non !» Elle haussa les épaules, à la fois douce et bourrue. Lui continua à secouer la tête sans parler. À la fin, le voyant dans cette peine, elle fut prise d'un beau mouvement de passion et lui sauta sur les genoux. « Regarde-moi, tiens !» L'homme haussa lentement le regard, la tête basse et de côté, comme le dogue encore grondant que le maître a maté. Sa prunelle vitreuse, louchée de fureur et d'adoration. « Ben quoi » grommela-t-il. « Je te regarde, après !» Elle lui riait d'un large rire qui découvrait ses gencives rouges. « Après ?» dit-elle. « Ben, tu ne vois pas qu'il y a qu'on aime toujours son homme ?» Alors une volupté l'amollit. Il lui prit la tête, se mit à la baiser. Et en même temps, il poussait des soupirs. Sa douleur s'en allant par là, petit à petit, comme le vent par la fissure d'une outre. À la fin, jetant sa casquette à terre avec force. « Nom de Dieu, je suis qu'un coyon » cria-t-il. Elle se pendit, lui enfonçant dans la poitrine les pointes de sa gorge. Il se débattait. « T'es une enjôleuse, on se quittera. » Mais sa force était entamée. Il s'abattit près d'elle, attiré par ses mains hardies et caressantes, ne demandant qu'à la croire. Pourtant, un doute lui restait, comme le mal sourd d'une plaie qui a cessé de saigner, et la rancœur le rongeait. Elle s'en aperçut. « T'as des idées sur moi, » lui dit-elle en le baisant dans la nuque d'un coup de dent. Il eut peur de remuer cette souffrance, et hésita, dit non de la tête. Et comme elle insistait, se décida. C'était vrai qu'il avait des idées. Elle s'ennuyait avec lui. Est-ce qu'elle n'avait pas bâillé plusieurs fois de suite tout à l'heure? Puis, elle était toujours pressée de s'en aller depuis quelque temps. 2 jours de suite, elle n'était pas venue. Elle voulait s'arracher de lui, tout doucement. Ça se voyait clair comme la lune et les étoiles. Germaine haussait les épaules. « C'est pas vrai, si on peut dire !» Sa tendresse lui revenant devant cet homme à consoler et ses mensonges à prodiguer, elle se sentit reconquise par un élan nouveau, un besoin de lui faire oublier sa défaillance d'amour. Cela dura quelques semaines. Puis, la lassitude reparut. Elle aurait voulu trouver une occasion de rester plusieurs jours sans le voir. Cette plénitude de passion l'engourdissait. Ils auraient pris plus de plaisir ensemble après un petit temps de séparation. Et elle chercha un moyen de lui couler l'idée en douceur, sans le fâcher. Mais il avait une manière d'aimer les gens, différente de la sienne. Il la voulait tout entière et constamment. Il aurait passé ses jours et ses nuits à demeurer près d'elle, à la regarder vivre, à vivre de sa vie. Et cet attachement, pareil à celui des bêtes, lui tenait au corps par toutes les fibres. Aucune ruse ne se mêlait plus à sa folie pour Germaine. Il l'aimait d'un cœur animal, avec une large candeur charmée. Il y eut alors ceci de singulier. C'est que l'astuce qui avait été du côté du pharaon au temps des convoitises passa du côté de la fille après l'assouvissement. Elle rusa pour être quittée, comme il avait rusé, pour être agréée. Un jour, elle crut le moment venu. Elle lui prit la tête et la serra contre sa gorge d'une caresse longue comme un bercement. « Vrai, là, nous sommes trop amoureux, » lui dit-elle. « On dit que ça ne dure pas quand on va trop fort. » Il lui jeta un regard courroucé. « Dis qu'ils en ont menti, je le sens bien là. » Elle resta un instant sans répondre, enfin reprit. « Enfin, ça se dit ? Moi, je sais pas. Mais tout de même, si c'était pour durer, voudrait pas se voir trop souvent, vrai. Les gens mariés, par exemple. Eh bien, s'aiment plus. Oh, ça, c'est la vérité. » Il secoua la tête. Je vois ben quoi que tu veux. Elle eut une secousse imperceptible, et levant les yeux vers lui. Quoi? Je vas te dire, t'es une mamzelle. Moi, je suis un homme tout court. T'as des idées, je te gêne. Il accentuait chaque mot d'un hochement de tête, calme, un peu d'émotion seulement dans la voix, et continuant. « Alors comme ça, tu m'aurais pris pour t'amuser. Je serais été dans tes mains, comme on dirait une jouette. C'est-y ça ?» Elle mit la main sur sa bouche. « Tu sais ben que non. Alors ?»« Alors je veux dire seulement qu'on n'a plus de plaisir à se voir. Quand on ne se voit pas tous les jours, on se mangerait de se revoir. » Il l'écoutait parler à présent, avec une stupeur triste. « T'es plus homme que moi, » fit-il à la fin. « Moi, plus je te vois, plus ça me tient de te voir. » Il y eut un silence dans la chambre, devenu tout à coup morne comme un cimetière. Tandis que derrière le mur ronflait le vent dans les grands arbres lourdement secoués, il reprit. « Faut-il que je m'en aille un petit temps, alors ? Dis !» Sa voix tremblait. Elle plongea ses yeux au fond des siens, inquiète, n'osant dire oui et se méfiant de sa tranquillité comme d'une ruse. Puis, elle se mettait à rire. « Peut-être ben, mon homme !» Il courba la tête, saignant et pourtant joyeux de lui complaire, même au prix d'un grand sacrifice. Ils demeurèrent 3 jours sans se rencontrer, et au bout de ce temps, ce fut elle qui se sentit un désir soudain de le voir, étonnée et charmée de lui être à ce point soumise. Elle courut chez la cougnole. Il avait battu les bois à la gaieté, l'espérant malgré elle. Hâve, éreinté, l'air farouche, il portait sur ses traits la douleur de cette attente vaine. « Je viens, tu vois ? » lui cria-t-elle de loin. Tout son être dilaté dans une joie réelle de le reprendre. Elle lui trouvait une beauté neuve. Cette absence le lui changeait, avec quelque chose d'un autre homme, et elle l'admirait, regagnée par l'ancien amour. Lui pleura, De grosses larmes chaudes luisaient sur ses joues brunes, d'où elles coulaient sur les mains de Germaine. Faudrait pas recommencer souvent. Et il ajouta qu'il avait été très malheureux. Il avait eu des idées drôles. Il avait pensé à aller se tuer dans la cour de la ferme. Elle haussa les épaules. « Berlu, va, puisque je suis là !» Il répondit. « Ah oui, t'as raison, t'es là !» Elle lui avoua que la séparation avait été d'abord comme un petit temps de repos après avoir monté une côte dure. Mais bientôt, ça lui avait fait un trou, comme si on lui avait arraché l'estomac. Elle l'aurait cherché partout, au fond des bois, s'il avait fallu. C'est à présent qu'elle l'aimait. Et il l'écoutait, ravi, buvant les paroles de ses lèvres, comme d'une âme altérée. Ce furent quelques bons jours.